Petite somme théologique de saint Thomas d'Aquin, par l'abbé Frédéric Le Breton, tome 4, Gaumet du Pré 1862. Supplément à la troisième partie, de la pénitence, suite, des parties de la pénitence en particulier. Ce supplément est écrit par frère Réginald de Piperno, secrétaire de saint Thomas d'Aquin. Nous parlerons, en particulier, de la contrition, de la confession, et de la satisfaction, qui sont les parties du sacrement de pénitence. Question 1. De la nature de la contrition. Définition de la contrition. Son rapport avec la vertu de pénitence. L'attrition n'est pas la contrition. 1. La contrition est-elle la douleur du péché avec le propos de se confesser et de satisfaire à la justice divine? L'homme qui s'écarte des préceptes divins s'attache à son sens propre, comme le marque cette parole, le principe de tout péché est l'orgueil, Ecclésiastique 10. Ce qui détruit le péché doit donc nécessairement détacher sa volonté de son sens particulier. Or, par similitude avec les corps qui ne cèdent pas sous la pression, on appelle dur et inflexible toute volonté opiniâtrement attachée au mal, et on dit que la volonté est brisée quand elle se dégage enfin du péché. Mais, parce que le pécheur, pour obtenir miséricorde, doit se dépouiller totalement de l'affection au mal et à son sens propre, ce n'est pas assez que sa volonté soit comme partagée en grands éclats, elle doit être broyée. De là le mot contrition, qui désigne, sous l'image d'une pulvérisation, ce dépouillement complet. Comme la définition que l'on nous propose signale, dans la contrition, un acte de la vertu de pénitence par ces mots, la douleur du péché, et une partie du sacrement, par ces autres paroles, avec le propos de se confesser et de satisfaire à la justice divine, nous sommes fondés à dire qu'elle est bonne. Note. Bien que la contrition remette parfois toute la peine, la confession et la satisfaction sont encore nécessaires, soit parce que l'homme n'a jamais la certitude d'être soustrait à tout châtiment, soit parce que la confession et la satisfaction sont de préceptes, aussi la contrition doit-elle toujours renfermer le vœu. Fin de la note. 2. La contrition est-elle un acte de vertu? Le broiement de la volonté attachée au mal est une action bonne de soi, la contrition, qui le désigne, marquant une certaine droiture de la volonté humaine, et dès lors un acte de la vertu par laquelle le péché est détruit, un acte de la vertu de pénitence. Note. On a dit, la contrition est une douleur, or la douleur est une passion, donc la contrition n'est pas un acte de vertu. Il y a deux sortes de douleurs. Celle qui a son siège dans la sensibilité est plutôt l'effet de la contrition que la contrition elle-même. Celle qui, résidant dans la volonté, y constitue proprement le déplaisir ou la détestation du péché, est la contrition même. Tel est l'acte de la vertu de pénitence. Le mot attrition désigne l'acheminement à la contrition, il marque un certain déplaisir ou regret du péché, au lieu que la contrition énonce la perfection de ce déplaisir et de ce regret. On va voir tout à l'heure que la contrition diffère encore de l'attrition sous un autre rapport. Fin de la note. 3. L'attrition peut-elle devenir la contrition? L'attrition a pour principe la crainte servile, tandis que la contrition émane de la crainte filiale. Cela seul prouve que l'attrition ne devient pas la contrition. Plusieurs disent que l'attrition devient la contrition, comme la foi informe devient la foi formée, mais cela n'est pas vraisemblable, Car si l'habitude de la foi informe peut devenir une habitude animée par la charité, on en saurait dire autant des actes même de la foi informe, la charité survenant. Ceux-ci font place aux actes de la foi formée. Or l'attrition et la contrition consistent dans un acte et non dans une habitude. D'un autre côté, si les vertus infuses proviennent de la charité, elles ne sont pas des habitudes informes. Par conséquent, avant l'infusion de la grâce sanctifiante, l'homme n'a pas l'habitude qui produit plus tard l'acte de la contrition. Donc l'attrition ne peut en aucune manière devenir la contrition. Question 2. De l'objet de la contrition. La peine méritée, le péché originel, tous les péchés actuels, les péchés futurs, chaque péché mortel en particulier, sont-ils l'objet de la contrition ? 1. L'homme doit-il être contrit non seulement de ses péchés, mais encore des peines de ses péchés ? On déplore la peine, on en gémit, mais on n'en a pas la contrition, mot qui signifie le broiement d'une volonté dure et obstinée. Une telle expression ne saurait convenir à l'abattement et à la souffrance que cause la peine. Note. La douleur qui regrette la vertu perdue par le péché n'est pas essentiellement la contrition, mais elle est l'un de ses principes. On est porté à déplorer une faute à cause du mal qui s'en est suivi. Fin de la note. 2. L'homme doit-il avoir la contrition du péché originel ? Nous ne contractons pas le péché originel par notre volonté, il nous vient de notre origine, qui nous transmet une nature corrompue. On peut en avoir le déplaisir ou la douleur, mais non la contrition proprement dite qui pulvérise en quelque sorte l'endurcissement de la volonté, puisqu'il n'en provient pas. 3. L'homme doit-il avoir la contrition de tous les péchés actuels qu'il a commis ? Le péché actuel provient de ce que la volonté ne se soumet pas à la loi de Dieu, soit qu'elle la viole par une transgression ou par une omission, soit qu'elle agisse en dehors d'elle. Dans tous les péchés mortels ou véniels, il y a donc toujours une certaine dureté de la volonté que la contrition, dans la rémission qui nous en est faite, doit pulvériser. Note. Obligé d'avoir la contrition de chacun de ses péchés mortels, l'homme doit examiner sa conscience, afin de se les rappeler tous. Mais s'il ne peut les découvrir exactement dans une diligente recherche, il suffit qu'il en soit contrit suivant le souvenir général qu'il en a conservé. Il doit toutefois regretter les péchés commis et l'oubli provenant de sa négligence. Se souvient-il ensuite de quelques-uns, il est tenu de les détester en particulier, ainsi le pauvre qui ne peut payer ses dettes est excusé, bien qu'il doive satisfaire à ses obligations aussitôt qu'il en a la possibilité. Pour les péchés véniels, il faut en avoir la contrition, de la même manière que l'on en doit faire pénitence. Voyez question 87, 1. 4. La contrition se rapporte-t-elle au péché futur ? La contrition se rapporte principalement au péché passé, elle n'a pour objet les péchés futurs que d'une manière secondaire, en tant qu'elle s'adjoint quelque chose de la prudence. Déplorant le passé, elle prend des précautions pour ne plus pécher à l'avenir. 5. L'homme doit-il être contrit des péchés d'autrui ? Acte de la vertu de pénitence, la contrition n'a pas pour objet les péchés des autres, on ne se repent que de ses propres actions. La contrition doit être là où était auparavant l'endurcissement du péché. Note. On s'afflige des péchés d'autrui, on n'en a pas la contrition. Fin de la note. 6. La contrition de chaque péché mortel est-elle requise ? Il y a des remèdes différents pour les différentes maladies. Ce qui guérit le talon ne guérit pas l'œil, dit Saint Jérôme. Or la contrition est ce remède particulier pour chacun des péchés mortels. De plus, la contrition se manifeste par la confession, où il faut accuser chaque péché mortel. Donc on doit avoir la contrition de tous en particulier. Mais, remarquons-le, la contrition peut être considérée sous deux points de vue, dans son principe et dans son terme. J'appelle principe de la contrition la pensée par laquelle, songeant à un péché, on en conçoit au moins l'attrition. Il est hors de doute que la contrition, à son début, doit embrasser en particulier chacun des péchés mortels dont on se souvient. J'appelle terme de la contrition la dernière perfection de la douleur animée par la grâce. Il suffit alors d'un acte de contrition générale pour tous les péchés, cet acte agit en vertu de toutes les dispositions précédentes. Question 3. De l'étendue de la contrition. Comment il faut entendre que la contrition est la plus grande douleur que l'homme puisse éprouver? La contrition peut-elle être excessive? Devons-nous avoir plus de douleur d'un péché que d'un autre? 1. La douleur de la contrition est-elle la plus grande que l'homme puisse éprouver? La douleur essentielle à la contrition, qui réside dans la volonté où elle constitue le déplaisir du péché passé, doit l'emporter sur toutes les autres douleurs. En effet, autant doit plaire une chose, autant son contraire doit déplaire, la fin dernière devant nous plaire par-dessus tout, le péché qui nous en détourne doit être détesté par-dessus tout. Il en est autrement de la douleur sensible. Celle-ci, dans la contrition, n'est pas nécessairement la plus grande que l'homme puisse éprouver. La partie sensitive de notre être est plus fortement impressionnée par ses sensations propres que par l'influence de la raison, qui ne la fait pas mouvoir à son gré. Note. La douleur sensible fait couler plus de larmes que la contrition, parce que le mal temporel nous frappe plus vivement que le mal spirituel. Il peut très bien arriver que les hommes, qui apprécient difficilement leurs propres affections, s'imaginent détester moins ce qu'ils détestent davantage. On doit, à cet égard, se garder d'inquiéter un pénitent. Fin de la note. 2. La douleur de la contrition peut-elle être excessive? Les vertus morales sont viciées par excès et par défaut. La contrition est l'acte de la pénitence. Vertu morale, elle peut donc être excessive. Prise pour la douleur de la raison qui déplore et déteste le péché, elle ne tombe pas plus dans l'excès que la charité elle-même, dont elle tire son accroissement. Mais la douleur sensible peut certainement être exagérée, comme toute affliction extérieure du corps. On doit y consulter sa santé et ne pas affaiblir les forces dont on a besoin pour remplir ses devoirs. L'apôtre le disait, « Rendez à Dieu un culte raisonnable. » Romains 12, 1. 3. Doit-on avoir plus de douleur d'un péché que d'un autre? Considérons-nous la contrition comme appliquée à chaque péché en particulier? La volonté supérieure doit concevoir plus de douleur pour l'un que pour l'autre. Plus un acte est désordonné, plus Dieu est offensé. La douleur sensible, en ce qui est de la pénitence que la volonté s'impose en réparation de l'offense, doit pareillement être plus intense pour un péché plus grave. Mais celle qui est produite par l'âme dans la partie inférieure de notre être est subordonnée, non plus à la gravité des péchés, mais à nos facultés sensitives. Considérons-nous la contrition comme embrassant tous les péchés en général, ainsi qu'il arrive dans l'acte de la justification, alors, où elle procède de la considération de chaque péché en particulier, où elle implique au moins le désir de penser à chacun d'eux. Dans le premier cas, tout en ne formant qu'un seul acte, elle garde virtuellement la distinction des péchés. Dans le second, elle renferme encore implicitement plus de douleur pour l'un que pour l'autre. Question 4. De la durée de la contrition. En quel sens la vie présente est un temps de contrition, de la douleur continuelle du péché, que la contrition n'existe plus après la mort. 1. Toute la vie présente est-elle un temps de contrition? Ne soyez pas sans crainte au sujet du péché pardonné. Ecclésiastique 5, 5. Le péché, retardant notre marche vers Dieu, nous a fait perdre un temps irréparable. Nous devons le détester pendant toute la durée de notre vie, en délivrant l'homme de ses fautes et de la peine éternelle, disait Hugues de Saint-Victor, Dieu l'enchaîne à une contrition perpétuelle. 2. Est-il utile d'avoir continuellement la douleur du péché? Bienheureux ceux qui pleurent. Matthieu 5, 4. Il est utile de conserver sans cesse la douleur du péché pour ce qui est du déplaisir de la raison. Sous ce rapport, la durée et l'intensité de la contrition n'ont rien d'excessif. Plus l'homme en exerce fréquemment les actes, plus il plaît à Dieu. Mais la passion même de la douleur excitée par la volonté doit être modérée dans son intensité et dans sa durée, de peur qu'elle ne jette l'homme dans le désespoir, dans la pusillanimité ou dans d'autres vices pareils. 3. Les âmes, après cette vie, ont-elles encore la contrition du péché? Au ciel, les saints n'éprouvent aucune douleur. En enfer, la douleur des damnés n'est ni produite par la grâce ni méritoire. Dans le purgatoire, le regret du péché, quoique formé par la grâce, n'en mérite pas directement la rémission. La véritable contrition du péché, douleur à la fois formée par la charité et méritoire, n'existe donc pas après cette vie. Question 5. De l'effet de la contrition. La rémission du péché, et parfois celle de toute la peine, est l'effet de la vraie contrition. 1. La rémission du péché est-elle un effet de la contrition? Comme partie du sacrement de pénitence, la contrition contribue d'une manière instrumentale à la rémission du péché. Comme acte de vertu, elle donne à notre âme une disposition qui amène comme nécessairement la justification. Ainsi la rémission du péché et son effet. Note. Dans l'un et l'autre cas, Dieu seul est la cause efficiente et principale de la rémission des péchés, mais la cause dispositive, et pour ainsi dire matérielle, se trouve dans l'homme. Observons ici que, quand les péchés sont pardonnés devant Dieu en vertu de la contrition seule, il n'est pas permis pour cela de communier avant d'avoir reçu l'absolution des ministres de l'Église, auxquels appartient la dispensation de l'Eucharistie. Fin de la note. 2. La contrition peut-elle anéantir toute la peine du péché? L'exemple du bon larron, à qui notre Seigneur dit « Vous serez aujourd'hui dans le paradis avec moi », nous prouve que la contrition anéantit parfois toute la peine des péchés, bien que, comme nous l'avons vu ailleurs, il n'en soit pas toujours de la sorte. Envisagée dans la charité qui la produit, elle peut mériter non seulement la rémission de la faute, mais encore l'exemption de toute la peine. Son intensité, en tant que douleur sensible excitée par la volonté, peut même constituer un châtiment assez grand pour anéantir la faute et la peine. L'homme n'en est pas moins obligé de se confesser et de satisfaire à la justice divine, car, Outre qu'il n'est jamais assuré que sa contrition a été suffisante pour effacer son péché et la peine méritée, sa contrition ne serait pas véritable sans le propos de se confesser, et ce propos, il doit l'accomplir, d'autant plus que la confession est l'objet d'un précepte. Note. Si la douleur de la contrition est finie, la peine du péché mortel, pour ce qui est de l'intensité, l'est aussi. Mais la contrition a surtout l'avantage de tirer de la charité une vertu infinie par laquelle elle peut détruire la faute et la peine. Fin de la note. 3. La contrition, si petite qu'elle soit, peut-elle détruire les grands péchés? Si la douleur de la raison, qui est la détestation du péché, est si petite qu'elle ne suffise pas à l'essence de la contrition, comme lorsqu'on a moins de déplaisir d'une faute mortelle que ne doit en inspirer la séparation de la fin dernière, elle ne remet aucunement le péché. C'est ainsi que l'amour peut ne pas arriver à l'essence de la charité. Nous disons la douleur de la raison, car la douleur sensible n'est point essentielle à la contrition, et, d'ailleurs, elle n'est point en notre pouvoir. Mais, lorsque la douleur d'avoir offensé Dieu, si faible qu'elle soit, suffit à l'essence de la contrition, elle détruit les plus grands péchés. Note. Les médecines spirituelles tirent leur efficacité de la vertu infinie qui opère en elles, comme le baptême remet également les crimes énormes et les fautes légères, ainsi la vraie contrition efface tous les péchés. Markemdanarchive.org 2021. D'après Books Google FR, licence Creative Commons pas d'usage commercial, partage à l'identique.